إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد من الله علينا معاشر المؤمنين بمنة عظمى وعطية كبرى مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأنار الله عز وجل ببعثته الأرض بعد ظلماتها وجمع ببعثته القلوب بعد فرقتها وشتاتها يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول جل وعلا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ويقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا عباد الله serviteurs d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait et nous a fait à nous les croyants une grâce énorme et un grand don en ayant suscité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé la terre après qu'elle soit dans les ténèbres, et par lequel il a illuminé les cœurs et il les a réunis après qu'ils eurent été divisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Allah a certes fait la grâce aux croyants, et il a certes fait une grande faveur aux croyants, en ayant suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes, qui leur récite ses signes et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. » Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, c'est lui qui a suscité parmi les illettrés, parmi les ummiyyin, c'est-à-dire les arabes qui n'avaient pas reçu de livre auparavant, un messager de par eux-mêmes, qui leur récite ses signes et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et il dit également ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et Allah a fait descendre sur vous un rappel, un messager qui récite sur vous les signes d'Allah, c'est-à-dire les versets d'Allah clarifiés, pour vous faire sortir ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres des ténèbres vers la lumière. Et il dit également ce qui signifie un messager vous est venu de par vous-même, sur qui pèse lourd ce que vous subissez comme difficulté, plein de sollicitude pour vous et pour les croyants, compatissant et miséricordieux. Et il dit également ce qui signifie, nous t'avons envoyé, ô Muhammad, comme un témoin, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur contre un châtiment, pour qu'il croie en Allah et son messager, et pour qu'il l'honore, hein, pour que vous l'honoriez, pour que vous reconnaissiez sa dignité, et pour que vous glorifiez les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir. Ibad Allah, لقد افترض الله جل وعلا على العباد طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه ولزوم نهجه وأوجب جل وعلا تقديم محبته على محبة الأهل والولد والعشيرة والتجارة والناس أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour les serviteurs l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fait de l'aimer et de le suivre et de rester fidèle à sa voix. Allah a rendu obligatoire le fait de le mettre, hein, de mettre son amour au devant de l'amour de toute autre chose. L'amour de la famille, l'amour de l'enfant, l'amour de la famille, l'amour du commerce, l'amour de tous les hommes, toutes ces différentes formes d'amour doivent passer après l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit au Muhammad, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, hein, vos tribus et les biens que vous avez accumulés, et le commerce dont vous craignez la faillite et les demeures que vous agréez sont plus aimés de votre part qu'Allah et son messager et que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre et son commandement, c'est-à-dire sa menace, la menace de son châtiment. Et Allah ne guide pas les peuples pervers. Il est rapporté dans les deux sahih, le sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, selon Anas radiallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il m'ait aimé, hein, et jusqu'à ce que je sois plus aimé de sa part que ses parents ou que son père, que son enfant et que tous les hommes. Et il est rapporté selon le sahih de l'imam al-Bukhari que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit au messager d'Allah, tu es plus aimé de moi que toute chose excepté ma propre personne. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, par celui qui tient mon âme en sa main, jusqu'à ce que tu sois, ou jusqu'à ce que je sois plus aimé de toi que toi-même, que ta propre personne. C'est-à-dire que tu préfères le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, maintenant par Allah, je jure que tu es plus aimé de moi que ma propre personne. Alors à ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant ô Omar, c'est-à-dire maintenant tu as dit vrai et ta parole est correcte. Ibad Allah, wa hadhihi al-mahabba allati iftaradaha Allah jalla wa ala ala al-ibad laysat mujarrad kalimatin tud'a aw amrin yatazaharu al-insanu bihi دون تحقيق لصدق هذه المحبة. وقد جعل الله عز وجل علامة عظيمة وبرهانا واضحا على صدق محبة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهي العناية الدقيقة باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. قال الله تبارك وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية معاشر المؤمنين حاكمة على كل من ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون لزوم لنهجه واتباع لهديه بأن دعواه كاذبة وما لم يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. Serviteur d'Allah, sachez que l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour ses serviteurs envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une simple parole qu'on prétend avec la bouche ou une chose qu'on essaie de faire paraître sans avoir réalisé avec sincérité la réalité de cet amour. Et Allah Azza wa Jal a donné des signes et des preuves claires à propos de la sincérité de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vérifier et pour prouver que quelqu'un aime réellement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que ce n'est pas seulement une prétention qu'il dit avec sa bouche seulement. Ala wa hiya al-inayatu ad-daqiqa bi-ittiba'i wa luzum nahjihi wa tarassum khutah. Et cette preuve, c'est que la personne qui prétend l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très minutieux dans le suivi qu'il fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le suit dans tous les petits détails, dans toutes les différentes ordres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. C'est pas juste de dire avec la bouche, oui, j'aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et après tu ne suis rien de sa sunna, et tu ne fais rien de ce qu'il a fait comme exemple et comme modèle. Tu ne suis pas son exemple, tu ne suis pas sa voix, tu ne suis pas la ligne qu'il a tracée. Allah Tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie, dis ô Muhammad aux hommes, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés. Et donc ce verset, assemblée de croyants, eh bien c'est un verset qui vient trancher et juger à propos de toute personne qui prétend avoir l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne suit pas son exemple et sa voix, et qui ne suit pas sa guidance. Et c'est la preuve que sa prétention est une prétention mensongère. Tant qu'il n'a pas suivi la guidance et l'exemple et la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne s'est pas écarté des innovations et des bid'a. Ibadallah, inna al-alamata as-sadiqa allati yatahaqqaqu bi wujudiha fi al-'abd sidqu mahabbatihi lir-rasul alayhi as-salatu was-salam hiya al-ittiba'u li nahjihi al-qawim wal-luzum li siratihi al-mustaqim wal-bu'd 'an al-bid'a wal-muhdathat التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولقد ضرب الجيل الأول من هذه الأمة جيل الصحابة أروع الأمثلة في تحقيق هذه المحبة للرسول المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فترجموا عن هذه المحبة باتباع صادق ومتابعة عظيمة واهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Serviteur d'Allah, le signe sincère de la réalisation et de la concrétisation de la présence en le serviteur d'un amour sincère pour le messager sallallahu alayhi wa sallam se réalise dans le suivi de sa voie qui est droite et de s'accrocher au droit chemin qu'il a suivi et qu'il nous a enseigné de suivre et de s'écarter des innovations et des choses inventées dans la religion au sujet desquelles il n'y a de la part d'Allah aucune preuve venant de sa part. Et à ce sujet, la première génération des croyants de cette Ummah, la génération des Sahaba, ont donné la plus belle des exemples dans la réalisation de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, l'élu, le prophète, celui qui est rapproché d'Allah, paix et salut sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont traduit cet amour par un suivi sincère et une guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le noble prophète. عباد الله وعندما تتحرك هذه المحبة في قلب الإنسان دون أن يزم نفسه بزمام الشرع فإنه يبدر منه أمورا ليست من هدي الله ولا من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بل إنها تكون من ركوب البدع واتباع المحدثات فالحذر الحذر عباد الله من المحدثات بأنواعها وإن كان الحامل عليها إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ إن تحقيق هذه المحبة لا يكون بالابتداع في دين الله ولا بإحداث شيء ما أنزل الله به من سلطان. Serviteur d'Allah, lorsque l'amour du messager صلى الله عليه وسلم fait bouger le cœur de l'homme sans qu'il s'accroche ou qu'il se limite par les limites de la charia d'Allah, il apparaît de la part de cette personne des choses qui ne font pas partie de la guidance d'Allah ni de la guidance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui font plutôt partie des innovations et des choses inventées dans la religion. Et donc prenez garde, serviteur d'Allah, aux choses nouvellement inventées dans la religion, peu importe leur sorte et leur catégorie. Et même si la chose qui nous amène ou qui nous incite à faire ces choses innovées, c'est le fait de vouloir montrer ou donner l'apparence de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de prétendre qu'on le fait par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la réalisation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se faire par le fait d'inventer des choses et d'innover dans la religion d'Allah et d'adorer Allah par des bid'as et par le fait d'inventer des choses que Allah n'a pas révélées et au sujet duquel il n'y a aucune preuve. Ibad Allah, laqad rama aqwamun إظهار محبتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاتخذوا يوم مولده صلى الله عليه وسلم محتفلا وهذا أمر لم يفعله الجيل الأول ولم توجد هذه الاحتفالات بإجماع أهل السير والتاريخ إلا بعد القرن الثالث وترسم القرون المفضلة. نعم عباد الله، ثم عباد الله، إن الشهر الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه هو بعينه الشهر الذي مات فيه، واليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فليس الفرح بيوم مولده بأولى من الحزن عليه وعلى وفاته وفقده عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يشرع لا هذا ولا هذا، ولم يشرع اتخاذ يوم مولده محتفلا ولا يوم موته صلى الله عليه وسلم مأتما، ولم يفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من ذلك. Serviteur d'Allah, sachez que certaines personnes ont voulu essayer de montrer leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant le jour de sa naissance comme un jour de fête. Et malheureusement, c'est quelque chose même qui est devenu une fête officielle dans certains des pays musulmans. Et certains utilisent ça comme preuve ou comme justification de vouloir fêter ce genre de célébration innovée qui est interdite et qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc ils ont pris ce jour, le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme jour de fête, et c'est une chose qui n'a jamais été faite par les premières générations de l'islam. Et on n'a jamais trouvé ce genre de fête mentionné dans les livres des hommes de l'histoire et les hommes qui ont rapporté les vies et les biographies des sahaba, des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et cette chose n'est apparue que 3 siècles ou 4 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il est important de savoir, ô serviteurs d'Allah, que le mois dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est le même mois que le mois dans lequel il est mort, alayhi salatu wa sallam. Et que le jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est le même jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et donc, ce jour ne mérite pas plus d'être un jour de célébration que d'être un jour de tristesse et de manifestation de cette tristesse. Car ni l'un ni l'autre n'a été légiféré par l'islam. Et donc, il n'est pas permis de prendre le jour de sa naissance comme un jour de fête, ni le jour de sa mort comme un jour de funérailles ou de tristesse, puisque les sahaba radiallahu anhum n'ont jamais fait cela et les sahaba n'ont pas suivi cette voie. Approchez-vous un peu pour que les gens qui arrivent après trouvent un peu d'espace en rentrant. Ibad Allah, idha kana murad al-abd تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته عليه الصلاة والسلام فليكن هذا التعظيم وليكن هذا الإظهار لمحبته بالطريقة التي مضى عليها الصحابة الكرام. عباد الله، لم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحتفل أهل القرون المفضلة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول قائل إن هذا خير حرم منه الصحابة وهدي إليه من بعدهم، أو أن الحق أن ذلك ضلالة وقى الله جل وعلا منها تلك القرون المفضلة التي لزمت هديه صلى الله عليه وسلم وسلكت سبيله القويم. Serviteur d'Allah, si le serviteur d'Allah veut montrer son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il sache que de montrer cet amour doit être fait et ce respect doit être fait par le fait de suivre l'exemple des sahaba et de ceux qui nous ont précédés parmi les premières générations de musulmans. Serviteur d'Allah, Sachez que Abu Bakr n'a jamais célébré la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même Omar ibn al-Khattab, et ni même Uthman ibn Affan, et ni même Ali, radiyallahu anhum ajma'in, qui sont les meilleurs de cette ummah. Et personne du reste de la ummah n'est meilleur que ces quatre. Ce sont les khulafa ur-rashidin. Et ensuite, le reste des sahaba. On a rapporté d'aucun d'entre eux qu'ils auraient célébré ce jour. Et de même que les trois premières générations qui sont les générations préférées et excellentes, ils n'ont jamais célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on pourrait poser la question suivante. Est-ce que c'est un bien dont les sahaba ont été privés et vers lequel ceux qui les ont suivis ont été guidés? Ou plutôt, est-il plus vrai de dire que la vérité est que c'est un égarement dont Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les premières générations de cette ummah parce que les premières générations se sont accrochées à la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ibad Allah, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ألا وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في أعمالكم كلها، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل أيا كان ومهما كان إلا إذا كان لله خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. اللهم ارزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، ووفقنا أجمعين لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Serviteur d'Allah, et pour terminer cette première partie de la khutbah, sachez que rien ne va réformer la dernière partie de cette ummah, excepté que de suivre ce qui a réformé les premiers de cette ummah. Et c'est-à-dire de suivre la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter des innovations au sujet desquelles il n'y a aucune preuve. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et craignez-le et sachez qu'il vous surveille et qu'il vous regarde dans toutes vos actions et dans toutes vos paroles. Et que l'action que vous faites ne sera jamais acceptée tant qu'elle est respectée deux conditions, c'est-à-dire que premièrement elle soit faite sincèrement et uniquement et purement pour Allah seul, et deuxièmement qu'elle soit faite selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيما نصحا للأمة، فصلواته وسلامه وبركاته عليه. Serviteur d'Allah, sachez qu'il a été rapporté de la part de l'imam Ahmed dans sa Musnad et d'autres également, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés d'une exhortation éloquente qui a fait trembler nos cœurs et qui a fait couler les larmes de nos yeux. Et, nous dit, et on a dit au messager d'Allah, cette exhortation ressemble à l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'ils ont dit, donne-nous un conseil, conseille-nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous et restez fidèles à la crainte et à la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et accrochez-vous également à l'écoute et à l'obéissance du dirigeant qui est sur vous, même si c'est un esclave éthiopien. Et sachez que celui qui vit après vous, plutôt celui qui vivra parmi vous après moi, verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à cela fermement et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation et toute innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son discours et qu'il parlait aux hommes, il disait ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la guidance qui est la meilleure est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des affaires sont les choses inventées dans la religion, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela, et il a dit cela avec beaucoup d'insistance dans le but de préserver la Ummah et de donner à la Ummah le bon conseil sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, إن الواجب علينا معاشر المؤمنين أن نعظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبتنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، وأن نكون صادقين مع الله في هذه المحبة بحسن اتباعه ولزوم نهجه والبعد عن البدع والمحدثات التي حذرنا منها صلوات الله وسلامه عليه. Serviteur d'Allah, il est obligatoire pour nous, les croyants, de respecter et montrer du respect envers ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière qui lui convient, et de l'aimer d'un amour qui précède notre amour pour nous-mêmes, pour nos familles et pour tous les hommes. Et que nous soyons sincères dans notre amour, que nous soyons sincères avec Allah dans cet amour, en suivant son exemple et sa sunna, et en s'écartant des innovations et des choses inventées dans la religion. Et sachez en terminant que certains innovateurs, parmi les soufiyines, les gens des différents turqs, et parmi différents groupes de bid'a, l'argument et le seul argument qu'ils ramènent pour essayer de justifier le fait de célébrer ce genre de fête, c'est qu'ils disent, d'accord, si vous dites que c'est une innovation, mais ils prétendent qu'il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Et donc, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté ça en disant que toutes les innovations sont des égarements. Kullu bid'atin dalala. Donc, il n'y a pas de bid'a hasana. Et il n'y a pas de dalala hasana, il n'y a pas de bons égarements, il n'y a pas de bonnes innovations dans la religion. Parce que la religion, elle a été complétée par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne reste rien à rajouter dedans pour la compléter et pour la parfaire. Tout ce qui a été révélé de l'islam a été complété avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui rajoute quoi que ce soit dans cette religion, sachez que c'est une innovation. Et certains essaient de mentionner l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a rassemblé les musulmans dans la mosquée pendant le ramadan pour les faire prier la prière du Tarawih. Et qu'il a dit, ni'matul bid'a hadihi. Et sachez que les ulamas de l'islam ont clarifié que ce que Omar ibn al-Khattab a fait en réunissant les musulmans derrière un seul imam durant le mois de ramadan, après la prière de Isha dans la mosquée pour prier salat al-Tarawih, n'est pas une innovation. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié plusieurs nuits dans sa mosquée avec les musulmans pendant le mois de ramadan en groupe et tout le monde priait derrière lui. Mais il n'a pas continué à le faire parce qu'il a dit aux musulmans, je crains que si on continue de le faire, cela devienne obligatoire pour nous. Alors il a cessé de le faire jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a pas été continué, même après le khilafa de Abu Bakr, il n'y a pas eu de tarawih fait derrière un seul imam. C'est seulement à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que cette sunna a été ramenée et revivifiée. Et ça ne fait donc pas partie des innovations, mais ça fait plutôt partie des sunnan qui avaient été délaissées et qu'on a fait revivre. Et donc il faut bien comprendre que l'expression qu'on trouve dans la parole de Omar, lorsqu'il dit « ni'matul bid'a hadihi », c'est pas le sens de la bid'a dans la religion, qui est le fait d'inventer des choses dans l'islam qui n'existent pas, mais plutôt de ramener ou de faire revivre quelque chose, ou bien le sens de bid'a dans la langue, c'est-à-dire la bid'a dans les innovations technologiques ou les choses de la dunya, et non pas les innovations dans la religion. Et donc ça c'est très important de faire la différence entre les deux. Et il ne faut pas laisser non plus se laisser tromper par ce genre de choubouhat de la part des innovateurs et des gens de bid'a qui essaient de nous tromper avec ces paroles-là. Et ceux qui ramènent des paroles de savants qui ont vécu en l'an 773 ou 900 après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de justifier cette bid'a, eh bien leur parole n'est pas une preuve. Et on ne peut pas utiliser la parole de quelqu'un, peu importe qui il est, comme justification pour faire une innovation, hein, tant que quelque chose n'est pas prouvé dans le Coran ni dans la Sunna. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Les talons avec les talons et les épaules avec les épaules pour faire les rangs droits. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله